بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لون جاء الله pour ce confinement. Voici, prions Allah Azza wa Jal, et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, voici ce que m'a envoyé un de nos frères ce matin, qui a une maladie, qui a besoin de vos dua, shafa Allahu afa. Ce matin, il m'a envoyé ce passage pris dans les recueils de fatawa de l'érudit, l'imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, concernant le fait de rester à la place où on a prié l'obligation du Fajr jusqu'au lever du soleil. Et c'est une faïda que Allah subhanahu wa ta'ala le récompense, qu'il est préférable pour nous de se rappeler mutuellement en ce moment de confinement. La question suivante fut posée à l'imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala: est-ce que le fait de rester à la place où on a prié le Fajr à la maison, à lire le Coran jusqu'au lever du soleil, et puis faire les dorqa'at de shuruq, à la même récompense que celle qui s'obtient par le fait de faire cela à la mosquée? La réponse de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, est ainsi. Dans cet acte, il y a un grand bien et une immense récompense, mais ce qui se retient du sens des hadiths à ce sujet, c'est qu'il n'aura pas la même récompense que celui, il n'aura pas la même récompense que celui qui est resté à la mosquée. Mais s'il prie à la maison l'obligation du Fajr à cause d'une maladie ou à cause de la peur, et puis après salat, il reste à sa place à invoquer Allah et à lire le Coran jusqu'à ce que le soleil se lève, et puis il prie d'orqa'at d'yashuruq, il aura ce qui est cité dans les hadiths, car il a une excuse pour rester prier à la maison. Il en est de même de la femme s'il reste à la place où il prie, où il a prié le Fajr, invoquant Allah et lisant le Coran jusqu'au lever du soleil, il aura les récompenses citées dans les hadiths. Les récompenses citées dans le hadith qui est la récompense d'un hajj et d'une omra complète. Et les hadiths dans ce sens-là sont nombreux. Ils se renforcent les uns avec les autres. Ils sont du domaine de hasan li ghayri, c'est-à-dire bon par autrui que lui. Bon par autre que lui. C'est-à-dire que, ils ont certaines défectuosités, mais réunis ensemble, ils se renforcent et ils montent du degré de Hassan l'Ighayri, et donc qui est à mettre en application. Donc, regardez, et Allah donne le succès à qui il veut. Regardez, frères et sœurs, en Allah subhanahu wa ta'ala, les récompenses qu'on peut avoir si on profite de notre confinement. Regardez, c'est important, cette fatwa du Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, qui est tirée du tome 11 à la page 403. Et salat shuruq, il faut savoir, comme disent les hommes de science, c'est pas tout simplement tu vois que le soleil se lève, tu l'as fait là. Tu attends 15 minutes. Le temps que le soleil soit d'une hauteur, il soit bien sorti de la terre et qu'on le voit complètement, et que des fois qu'il soit d'une hauteur, comme il est dit dans le hadith, qui dépasse une lance. Et regardez, ce confinement, combien de umra, combien de récompenses de umra et de hajj va nous permettre d'avoir si on prie et, après la prière de l'Fajr, on reste à faire nos invocations du matin, du soir, du matin, et qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on lise le Coran jusqu'au lever du soleil. Et à ce moment-là, on fait les dorqa'at. Regardez les récompenses qui en découlent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance dans notre religion. Et nous allons, inshallah, aujourd'hui entamer, le livre du jeûne dans Umdat al-Ahkam. Umdat al-Ahkam, qui est un recueil de hadiths. Et ces hadiths, nous allons les prendre avec la compréhension et l'interprétation du Cheikh, hein, rahimahullah, Cheikh al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi, tanbih al-Afham. Nous avons déjà auparavant pris le chapitre de la purification, et là, comme nous approchons du mois de Ramadan, nous allons prendre, inshallah, le livre du jeûne. قال رحمه الله كتاب الصيام تعريف الصيام لغة وشرعا الصيام في اللغة الإمساك عن الشيء وفي الشرع الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل وقد فرض الله تعالى الصيام على عباده في كل ملة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون donc le livre du jeûne il a dit rahimahullah ta'ala la définition du jeûne en arabe et dans la législation il a dit le jeûne en arabe c'est l'abstinence s'abstenir de quelque chose ça en langue arabe dans la législation c'est s'abstenir de manger, de boire, ainsi que de l'ensemble des annulatifs du jeûne, du lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil avec l'intention de se rapprocher d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait obligatoire pour ses serviteurs dans toutes les religions. Et il est dit dans le verset qu'il a cité, rahimahullah ta'ala, dans la traduction approximative, nous dit ceci, « Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été pour ceux qui vous ont précédé afin que vous atteigniez la taqwa. » Afin, c'est-à-dire que vous atteigniez le degré de taqwa, qui est le fait de mettre en application les ordres d'Allah et de s'abstenir de ce qu'il a interdit. « قال رحمه الله وإنما فرضه تعالى على جميع الأمم لأنه عبادة عظيمة يتجلى فيه صدق محبة العبد لربه وتعظيمه له والتماس رضوانه بما يتحمله من الصبر على ألم الجوع والعطش وكبح جماح الشهوة تقديما لما يحبه الله ويرضاه على ما تشتهيه نفسه وتهواه وتهواه مع ما في ذلك من تمرين النفس على الصبر وقوة العزيمة في طاعة الله تعالى وتذكير العبد بما أنعم الله تعالى عليه من الأكل والشرب وغيرهما مما تشتهيه نفسه فإن الأشياء تتبين بضدها ثم تذكيره بحال إخوانه المعوزين المحرومين من نعمة الأكل والشرب ونحوها من شهوة النفس إما دائما أو في بعض الأحوال فيحنو عليهم ويرحمهم إلى غير ذلك من مصالح الصيام العامة والخاصة إلى ذي رحمه الله تعالى الله لا prescrit pour toutes les communautés car c'est une noble adoration dans laquelle apparaît la véracité de l'amour du serviteur pour son Seigneur et dans laquelle apparaît sa vénération et sa recherche de la satisfaction d'Allah par le fait de supporter les douleurs, de la faim, de la soif et de maîtriser son nefs, mettant en avant ce qu'Allah aime et agrée au-devant de ce qu'il désire lui-même. Et il y a en cela aussi le fait d'entraîner son âme à la patience et à la forte résolution dans l'obéissance à Allah. Et aussi cela rappelle au serviteur les bienfaits de la bouffe et de la boisson et d'autres plaisirs et désirs avec lesquels Allah l'a comblé. Car le bien des choses apparaît et devient plus clair avec son opposé. Comme exemple, la faim montre les bienfaits de la bouffe, la soif montre les bienfaits de la boisson que Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyées. Il en est de même, la maladie montre le bienfait de la santé, et ainsi de suite. Il dit, rahimahullah, وفرض الصيام على هذه الأمة في السنة الثانية من الهجرة ومن أجل مشقته فرضه الله تعالى بالتدريج فأوجب الصيام على التخيير فأوجب الصيام على التخيير بينه وبين الطعام عن كل يوم مسكينا مع تفضيل الصيام ثم أوجب الصيام علينا ورخص للمريض والمسافر في الفطر على أن يقضي عدة من أيام أخر بعد زوال عذرهما. Il dit, rahimahullah ta'ala, et cela rappelle aux soumis la situation de ses frères parmi les pauvres et nécessiteux qui ne jouissent pas des bienfaits de la bouffe et de la boisson et autres plaisirs, soit toujours, soit souvent. Et cela crée, on le soumet à Allah Azza wa Jalla, la compassion pour eux et autres. Et il y a aussi d'autres intérêts bénéfiques dans le jeûne. Hein? Dans le jeûne, des intérêts et des bénéfiques en général, et concernant le soumis lui-même. Allah a rendu obligatoire le jeûne pour cette communauté au long de l'Hijra, et vu la difficulté des jeûnes, il est passé par des étapes. Son obligation est passée par des étapes. Allah, au début, a donné le choix aux gens entre eux, jeûner, et c'est le mieux, et de ne pas jeûner, de nourrir un pauvre pour chaque jour qu'ils n'ont pas jeûné. Et puis il l'a fait obligatoire et a donné tout simplement l'autorisation de ne pas jeûner aux malades, aux voyageurs. Ils doivent rattraper les jours qu'ils n'ont pas jeûné une fois que leur excuse est terminée. Fin de citation des paroles du Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayh. Et nous passons au premier hadith. Le hadith al-awwal. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. Et on passe au premier hadith dans le livre du jeûne, qui est le 74e hadith dans le livre de l'Umda. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah a dit: n'anticipez pas le mois de Ramadan par le jeûne d'un jour ou deux, excepté pour celui qui a l'habitude de jeûner ces jours, dans ce cas-là qu'il le jeûne. موضوع الحديث حكم سبق رمضان بالصوم. Le statut du hadith, c'est le sujet du hadith, le statut d'anticiper le jeûne du mois de Ramadan d'un jour ou deux. À dire que il n'est pas permis de devancer le mois de Ramadan d'un jour ou deux. Mais, comme nous l'avons vu dans les mérites du mois de Sha'ban, si la personne a l'habitude de jeûner lundi, jeudi, ou un jour, oui, un jour, non, et que ça coïncide avec le dernier jour de Sha'ban, ou l'avant-dernier jour du Sha'ban, il n'y a pas de mal à cela. Et si la personne a l'habitude de jeûner tout le mois de Sha'ban, il n'y a pas de mal à cela. Et ce qui est interdit ici, c'est le fait de jeûner un jour ou deux en se disant: je prends mes précautions. On ne sait jamais. Hein? C'est le mois de Sha'ban, et le mois de Sha'ban est déjà terminé, ou le mois de Ramadan est déjà rentré, alors je prends mes précautions. Dans ces cas-là, c'est interdit. Et on prend aussi de cela qu'il est permis de jeûner durant la deuxième moitié du Sha'ban, et que l'interdiction ne concerne que ceux qui attendent spécifiquement la deuxième quinzaine du Sha'ban. قال رحمه الله شرح الكلمات لا تقدموا لا تسبقوا ولا ناهية رمضان أي شهر رمضان وهو ما بين شعبان وشوال سمي بذلك لشدة الرمضاء فيه حين تسميته به يوم أو يومين أو للتنويع وليست للشك فالمعنى بصوم يوم ولا يومين وهو كذلك في صحيح مسلم إلا رجل بالرفع بدلا من الواء في تقدم وتخصيص الرجل تغليب والمرأة كالرجل كان يصوم أي كان من عادته أن يصوم صوما أي صوما معينا كصوم يوم الاثنين مثلا فليصوم ذلك الصوم المعين وإن صادف ما قبل رمضان بيوم أو يومين واللام للأمر المراد به الإباحة Ça c'était l'explication du vocabulaire et je passe directement au sens général du hadith. الشرح الإجمالي لما كان الصيام عبادة محدودة بوقت معين لا تتقدم عليه كما لا تتأخر عنه إلا لعذر يبيح التأخير كان من الحكمة الشرعية أن يلتزم العبد بهذا التحديد فلا يتقدم عليهما بما يوهم أنه فعل شيئا منها قبل وقتها وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم أحد صيام شهر رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون له عادة بصوم يوم معين كيوم الاثنين مثلا أو صيام يوم وفطر يوم فيصادف ذلك قبل رمضان بيومين أو يوم فلا بأس بذلك حينئذ لزوال المحذور Donc passons au sens général de ce premier hadith dans le chapitre du jeûne. Comme le jeûne, dit Cheikh Rahmatullah Alayh, est une adoration limitée par un temps bien précis qui ne doit ni être avancée ni être retardée, sauf par une excuse valable qui autorise le retard. Pour cela, il fait partie du but de la législation de se conformer à cela. Le soumis ne doit pas anticiper de sorte qu'il donne l'impression qu'il a accompli quelque chose de l'adoration avant son temps. Dans ce hadith, Abu Huraira radiallahu anhu arda annonce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit d'anticiper le jeûne du mois de Ramadan par le jeûne d'un jour ou de deux jours, sauf pour celui qui, les jours précédant le mois de Ramadan, correspondent à des jours qu'il jeûne régulièrement, comme celui qui jeûne régulièrement le lundi, par exemple, ou le jeudi, ou celui qui jeûne un jour sur deux, et cela coïncide avec un jour ou deux avant Ramadan, il n'y a pas de mal à cela, et c'est l'exception faite dans ce cas. Hein? Et Ramadan, frère Allah Azza wa Jal, il a été appelé Ramadan, hein, qui découle de Ramda, la grande chaleur. Hein? Pourquoi? Parce qu'au moment où lui a été donné ce nom, son nom a été donné à une période très chaude, d'où le terme Ramadan, qui vient de Ramda. Et donc, les leçons à retenir de ce hadith du Cheikh Rahmatullah alayh, أولاً, النهي عن سبق رمضان بصوم يوم أو يومين, والنهي للتحريم عند كثير من العلماء. La première leçon du Cheikh à retenir dans ce hadith, l'interdiction d'anticiper le jeûne du mois de Ramadan par un jour ou deux, et l'interdiction ici chez beaucoup de savants, est une interdiction formelle et claire. الفائدة الثانية جواز سبقه بصوم ثلاثة أيام فأكثر. La deuxième leçon, il est permis de jeûner trois jours ou plus avant le mois de Ramadan, avant la rentrée de Ramadan. Il est permis de jeûner 3 jours ou plus. La troisième, الفائده الثالثه جواز سبقه بصوم يوم او يومين لمن عاد لمن له عاده بصوم يوم معين. Et il est permis de devancer, la troisième leçon, il est permis de devancer Ramadan par un jour ou deux s'il coïncide avec le jeûne régulier de la personne. S'il coïncide avec le jeûne régulier de la personne. Rabi'an. مراعاة الشارع للتقيد بالحدود الشرعية وعدم تعديلها. La quatrième leçon, le législateur donne une grande importance au fait de se limiter aux limites de la législation et de ne pas les modifier. خامسا جواز قول رمضان بدون إضافة الشارع إليه. Donc la cinquième leçon, il est permis de dire Ramadan sans le précéder du, sans dire le mois de Ramadan, sans l'annexer. Hein, il est permis de dire Ramadan, comme il est permis de dire Sha'ban, comme il est permis de dire Shawwal, et ainsi de suite. Wa namur ila al-hadith al-thani fi bab al-siyam, lakinnahu al-hadith al-175 fi كتاب العمدة عمدة الأحكام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقذروا له. Donc le deuxième hadith dans le livre du jeûne qui est le 175e hadith dans le livre de Umdat Ahkam, Abdullah ibn Umar rapporte que le messager d'Allah a dit « Jeûnez lorsque vous apercevez le croissant lunaire, c'est-à-dire du mois de Ramadan, et arrêtez le jeûne lorsque vous l'apercevez, c'est-à-dire quand vous apercevez le croissant du Shawwal. Si vous ne le voyez pas, estimez la durée du mois à 30 jours. » C'est-à-dire, estimer la durée du mois. C'est-à-dire, la durée du mois est de combien? 30 jours, on ne peut pas dépasser 30 jours dans le mois lunaire. موضوع الحديث بماذا يجب صوم رمضان وفطره. Le sujet du hadith, qu'est-ce qui annonce l'obligation du jeûne de Ramadan et qu'est-ce qui annonce la fin du jeûne du mois de Ramadan? Ça, c'est le sujet du hadith. Vous remarquez que je ne cite pas les rapporteurs du hadith parce que Abdullah ibn Omar et Abu Huraira ont été déjà cités dans le livre de la purification. Hein? Donc je citerai que les compagnons, les rapporteurs du hadith qui n'ont pas été cités dans le livre de la purification. Yaqul al-Sheikh rahimahullah sharh al-kalimat. Idha ra'aytumuh, idha absartumuh. أي هلال رمضان والمراد رآه من تثبت به رؤيته فصوموا أي فابتدئوا الصوم من الغد وإذا رأيتموه أي هلال شوال فافطروا أي فاتركوا الصوم من الغد غم سترا أي الهلال بغيم أو نحوه فاقذروا له بضم الدال وكسرها أبلغوه قدره وهو تمام 30 يوما. الشرح الإجمالي يخبر عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم علق أمر الصيام والفطر بشيء ظاهر معلوم حتى يكون الناس على بينة من أمرهم وذلك رؤية هلال الشهر أو إكمال الشهر السابق 30 يوما حيث لا يمكن زيادة الشهر الهلال على 30 يوما فقد أمر صلى الله عليه وسلم أمته بالصيام إذا رأوا هلال رمضان وبالفطر إذا رأوا هلال شوال فإن حصل مانع من الرؤية بغيم أو نحوه فليكملوا عدة الشهر السابق 30 يوما، لأن الأصل بقاؤه، فلا يحكم بخروجه إلا بيقين. Et donc, le sens général de ce deuxième hadith, Abdullah ibn Umar annonce que le prophète a fait le jeûne, a fait que le prophète a fait que le jeûne et la rupture du jeûne soient liés à quelque chose d'apparent et de concret. Hein? Qui est lié à... Il a fait que le jeûne soit lié à quelque chose d'apparent et de concret. Comme ça, les gens ne seront pas dans une confusion, dans aucune confusion. Et il a lié le jeûne à la vie du croissant lunaire. Et la rupture du jeûne, à la fin du jeûne, il a lié la fin du jeûne du mois de Ramadan aussi à la vue et à l'apparition du croissant lunaire de Shawwal. Et ça te prouve la facilité et l'aisance de cette religion. Et il a ordonné à sa communauté, alayhi salatu wassalam, de jeûner à la vue du croissant lunaire de Ramadan et d'arrêter le jeûne à la vue du croissant lunaire de Shawwal. Et s'il y a un empêchement des nuages ou autres, hein, qu'ils complètent, qui n'ont pas pu, qui ont empêché la vue du croissant de Ramadan, qu'il complète le nombre des jeûnes du mois de Shaban à 30. Que la communauté complète le nombre des jours du mois de Shaban à 30 jours. Parce que quand est-ce qu'on observe le croissant lunaire? On observe la nuit du 30, qui se passe tout de suite après le coucher de soleil du 29e jour du mois lunaire. Donc, cette nuit-là, la nuit du 29, la nuit du 30 Shaban, qui est le dernier jour de Shaban, le 29e jour du Shaban, ceux qui observent la lune n'arrivent pas à la voir pour une raison, pour une autre, un nuage ou autre, dans ces cas-là, la communauté et les gouverneurs estiment que Shaban est de 30 jours. Car, pourquoi, comme il a dit Cheikh ici, car tant que le croissant n'est pas vu à la base, le mois n'est pas terminé et sa fin ne doit pas être décrétée avec une incertitude. Sa fin doit être décrétée avec certitude. Et donc, comme on n'a pas vu la lune, la certitude c'est de terminer le mois de Shaban, de terminer les 30 jours du mois de Shaban. Hein? من فوائد الحديث أولا وجوب صوم رمضان إذا ثبتت رؤية هلاله شرعا. Donc la première des leçons à retenir de ce hadith, l'obligation de jeûner Ramadan si la vue est confirmée des croissants de façon conforme à la législation. الفائدة الثانية عدم وجوب الصوم على البعيد عن مكان الرؤية إذا اختلفت المطالع لأن الهلال لم يرى حقيقة ولا حكما. La deuxième leçon, il n'est pas obligatoire de jeûner à celui qui habite, loin de l'endroit de l'apparition du croissant quand il y a une différence dans les moments de l'apparition du croissant, car il n'a pas été vu ni concrètement et aussi au niveau de la législation, il n'est pas vu. قال رحمه الله ثالثا وجوب إكمال شعبان 30 إذا حال غيم أو نحوه دون هلال رمضان. Et la troisième leçon à retenir, l'obligation de compléter les jours du mois de Shaban, c'est lors de la nuit du 30 Shaban, il y a du nuage ou autre qui empêche la vue du croissant de Ramadan. خامسا عدم وجوب الفطر على البعيد عن مكان الرؤية إذا اختلفت المطالع. دونك خامسا عدم وجوب الفطر على البعيد عن مكان الرؤية إذا اختلفت المطالع. Donc il n'est pas obligatoire, la cinquième leçon, il n'est pas obligatoire de rompre le jeûne pour celui qui habite loin de l'endroit de l'apparition du croissant quand les moments de l'apparition de celle-ci sont différents. Ceci, c'est-à-dire à la fin du mois de Ramadan. Hein? Sadisan, wujubu ikmali Ramadan, 30 يوما إذا حال غيم أو نحوه دون هلال شوال. Et la sixième leçon, l'obligation de compléter le jeûne du mois de Ramadan à 30 jours si les nuages ou autres empêchent la vision du croissant du Choual. Et c'est comme la première, l'obligation de compléter les jours du mois de Shaban. C'est lors de la nuit du 30, Shaban, il y a du nuage ou autre qui empêche la vue du croissant du mois de Ramadan. C'est la même chose. Hein? Tant que le croissant n'est pas vu, pour le mois de Ramadan, on commence pas le jeûne. Tant que le croissant du Choual n'est pas vu, sa vue n'a pas été annoncée, il n'a pas apparu, donc on n'a pas à rompre le mois de Ramadan et on termine les 30 jours du mois de Ramadan. سابعا ابطال الاعتماد على قول اهل الحساب في دخول الشهر. Septième leçon, il n'est pas permis de décréter le début du mois lunaire ou la fin du mois lunaire selon les calculs astronomiques. Parce que le législateur, il a lié cela à la vision de la lune. Pour que cela te montre que la religion est à la portée de tout le monde, de ceux qui sont instruits, ceux qui ne le sont pas. Celui qui est instruit voit la lune, il sait, voit le croissant lunaire, il sait que c'est le début du mois. Il en est de même pour celui qui n'est pas instruit. Et ça te prouve la grande miséricorde d'Allah, et ça prouve aussi l'aisance et la facilité dans cette religion. الفائدة الثامنة أن من انفرد برؤيته في بر ونحوه لزمه العمل بمقتضى رؤيته. La huitième فائدة, celui qui se trouve dans un désert, dans un endroit loin de tout le monde, où il a vu le croissant, il doit mettre en application l'obligation de sa vue. Il est obligatoire pour lui de mettre en application l'obligation de sa vue. Et là, j'ouvre une parenthèse, mais qui vient à cette parenthèse, il y a des paroles de Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh, sauf le premier passage là. Donc, une parenthèse concernant l'apparition de la lune, la majorité des savants, parmi lesquels Abu Hanifa, l'imam Abu Hanifa, ainsi que l'imam Ahmed, sont d'avis que si la nouvelle lune est observée ou n'a lieu, les règles qui en découlent s'appliquent à l'ensemble des musulmans. Conformément à la parole du prophète alayhi salam, si vous voyez le croissant jeûner, et lorsque vous le voyez, de nouveau rompez le jeûne. Ce hadith, selon la majorité des savants, s'adresse à l'ensemble des musulmans, donc il ne faut pas tenir compte des différents moments d'apparition de la lune, selon cet avis. Cela étant l'avis de la majorité, et c'est aussi l'avis de l'imam al-Albani, rahmatullah alayh. Hada, c'est un avis. Cheikh l'Islam, rahimahullah, dit, les moments d'apparition de la nouvelle lune diffèrent. Les moments de l'apparition de la nouvelle lune diffèrent, et il y a sur cela le consensus des spécialistes. Ainsi, le moment de l'apparition de la nouvelle lune est similaire. Ainsi, si le moment de l'apparition de la nouvelle lune est similaire, le jeûne est obligatoire à toute cette région. Sinon, non. Si la région est concernée par la même apparition de la lune, de la nouvelle lune, tout le monde est concerné dans cette région de jeûner. Hein? Contrairement à la parole de la majorité qui voit que dès que le croissant, s'il est vu en Arabie Saoudite, tout le monde musulman doit jeûner. Ou s'il est vu au Maroc, tout le monde musulman doit jeûner. Hein? Cheikh l'Islam, il dit, le moment de l'apparition de la lune, de la nouvelle lune, est, il dit, selon l'avis et selon le consensus des spécialistes, c'est-à-dire des astronomes, hein, les moments d'apparition de la nouvelle lune diffèrent. Hein. Ainsi, il dit, rahmatullah alayh, si le moment de l'apparition de la nouvelle lune est similaire, le jeûne est obligatoire à toute cette région où l'apparition de l'apparition de la lune est la même pour la région. Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh dans Sharh Bulugh Al-Maram, il dit les principaux avis sur ce point sont au nombre de trois. Le premier avis, le jeûne s'impose à l'ensemble des musulmans, où qu'ils se trouvent, une fois que le croissant est vu dans un pays. Le deuxième avis, le jeûne s'impose à ceux dont le moment d'apparition de la de l'apparition de la lune est similaire. C'est-à-dire, tu prends des pays par exemple, le Maroc et l'Algérie. Hein? L'apparition de la lune dans ces pays n'est pas différente. Comme le Koweït, l'Arabie Saoudite, etc. Tous ces pays-là, le Koweït et l'Arabie Saoudite, leur apparition de la lune n'est pas différente. Donc, selon cet avis, Cheikh Al-Uthaymeen, il dit que dans ces cas-là, ils doivent jeûner. Ceux qui ont, que dont l'apparition de la lune est similaire, ils doivent jeûner ensemble. Troisième avis, ici l'avis qui se met en application un petit peu partout, le jeûne s'impose s'ils sont sous la même autorité, même si le pays est vaste. Même si le pays est vaste, hein, le jeûne s'impose quand ils sont sous la même autorité. Ils ont le même gouverneur, même si le pays est très grand. Cheikh Al-Uthaymeen, il pose cette question. Mais c'est quoi la pratique des gens d'aujourd'hui? C'est quoi ce que pratiquent les gens aujourd'hui? Il dit, ce qui est courant aujourd'hui, c'est le dernier. C'est-à-dire, hein, chacun jeûne avec son gouverneur. Il dit, ce qui se pratique aujourd'hui, c'est le dernier. C'est pour ça qu'on peut voir, il dit, c'est pour ça qu'on peut voir deux pays qui sont séparés, par exemple, de quelques mètres. Un jeûne et l'autre non. Un rompt le jeûne et l'autre non. Regarde, par exemple, notre frontière avec Wahran et Oujda. Hein? Il n'y a rien. On se voit. Et pourtant, fois, les gens d'Wahran jeûnent, ont rompu le jeûne et non, on jeûne encore. Et vice versa. Hein? Il dit, rahimahullah, car les autorités des deux pays sont différents. Et c'est l'avis le plus proche de la pratique. Il dit que ça, c'est l'avis le plus proche de la pratique. On ne doit pas sortir de cet avis-là. On doit jeûner avec nos gouverneurs. Pourquoi? Parce que le jeûne est un jeûne collectif. Jeûner compte à l'apparition de du croissant lunaire et romper à l'apparition de son, hein, du croissant du mois de Shawwal. On ne doit pas sortir de l'unité. Il dit, rahimahullah, car il n'est pas raisonnable que nous soyons sous la même autorité et que les uns les uns jeûnent alors que les autres non. Cela entrave la sécurité et amène la division. Il y a eu quelques années en arrière, certains au Maroc jeûnaient avec l'Arabie Saoudite, d'autres avec le Maroc, d'autres jeûnaient avec le Yémen et ainsi de suite. Les gens étaient, faisaient selon, suivaient leur passion. Et regarde ce que dit Cheikh Al-Utaymiyyah rahmatullah alayh, car il n'est pas raisonnable que nous soyons sous la même autorité et que les uns jeûnent alors que les autres non. Cela entrave la sécurité et amène la division. Mais du point de vue théorique, c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah, et du point de vue théorique, l'avis d'Ibn Taymiyyah est l'avis correct. Nous disons cela d'un point de vue scientifique, mais dans la pratique, nous suivons notre gouverneur lorsqu'il ordonne de jeûner, nous jeûnons, et sinon, afin, et lorsqu'il nous ordonne de rompre le jeûne, on rompt le jeûne, afin que les gens ne divergent pas, et que chaque pays garde sa propre observation de la lune. Fin de citation des paroles de Cheikh Al-Utaymiyyah. Regardez la parole d'Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il dit? C'est pour ça que Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit dans la théorie, c'est-à-dire d'un point de vue scientifique, la parole d'Ibn Taymiyyah est la plus correcte. C'est quoi la parole d'Ibn Taymiyyah? La parole d'Ibn Taymiyyah, il dit, rahimahullah, ainsi si le moment de l'apparition de la nouvelle lune est similaire, le jeûne est obligatoire à toute cette région. Sinon, non. Et regardez maintenant les paroles de l'imam al-Albani qui est de l'avis de la majorité. C'est-à-dire de ceux qui voient que quand un pays, quand la lune est vue dans, par exemple, au Pakistan, tout le monde musulman doit jeûner. Ou s'il est vu aux Émirats Arabes Unis, tout le monde musulman doit jeûner. Regardez son avis aussi, parce que il dit que ça, c'est une adoration collective. Il dit, rahimahullah, malgré qu'il opte pour l'opinion de la majorité, il dit que chaque individu doit jeûner avec son pays. C'est-à-dire, là où il se trouve, il doit jeûner avec eux, car le jeûne est une adoration collective. Et ça, ce sont des hommes de science. Regardez ce que la science, il fait. Comment, il est clair. Comment il donne la clairvoyance et l'aisance dans la religion. Et on prend le troisième hadith, inshallah, le hadith al-Talit, عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. Et le troisième hadith du chapitre du jeûne, le 176e hadith du livre de Umdat al-Ahkam, Anas ibn Malik rapporte que le messager d'Allah a dit: prenez sahour, c'est-à-dire le repas en fin de nuit, car ce repas contient une bénédiction. Donc je rappelle que les hadiths rapportés dans Umdat al-Ahkam sont tous des hadiths de l'imam Bukhari et de l'imam Muslim. Donc, mawdou' al-hadith, hukm al-sahour. Le sujet des hadiths ici, c'est le statut du sahour. عندنا هنا راوي وهو أنس الراوي le rapporteur du hadith, nous avons vu sa biographie dans le chapitre de la de la purification. قال رحمه الله شرح الكلمات تصحروا كلوا السحور كلوا السحور والخطاب فيه لمن يريد الصوم فإن في السحور الجملة تعليلية والسحور بفتح السين ما يؤكل ويشرب في السحر أي في آخر الليل وبضم السين أكل السحور بركة خيرا كثيرا ثابتا. الشرح الإجمالي إن دين الإسلام دين عدل ورحمة يعطي البدن حظه يعطي البدن. قال رحمه الله إن دين الإسلام دين عدل ورحمة يعطي البدن حظه من الراحة والمقومات ويعطي النفس حظها من العبادات والطاعات. وفي هذا الحديث يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن في السحور بركة بين ذلك حظا عليه وترغيبا فيه. والبركة إما دينية وهي امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ومخالفة أهل الكتاب اليهود والنصارى وما يحصل بذلك من الأجر والثواب والقوة على الصيام. وإما دنيوية كالتمتع مما يشتهيه من مأكول ومشروب حلال وحفظ قوة البدن ونشاطه. Et donc, il dit, rahimahullah, concernant le sens général de ce hadith, la religion musulmane est une religion d'équité et de miséricorde, qui donne au corps son repos et les moyens pour lui octroyer ses forces pour accomplir les adorations et les obéissances. Dans ce hadith, Anas ibn Malik annonce que le prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, a ordonné aux jeûneurs de prendre sahur, ce petit repas de fin de nuit, pour qu'il ne faiblit pas durant la journée. Et le prophète a montré que dans ce repas, il y a beaucoup de bénédictions pour inciter les gens à le prendre. Et la bénédiction ici est religieuse, il est mondaine aussi. Et la religieuse se concrétise par le fait de mettre en application l'ordre du prophète alayhi salatu salam et de le prendre comme modèle. C'est aussi une différenciation avec les gens du livre, les juifs et les chrétiens qui ne prennent pas sahur, et toutes les récompenses qui découlent du sahur, plus l'octroi de la force jeûneur et des bénédictions mondaines qui se concrétisent par le fait de manger de ce que la personne aime et de boire de ce qu'il désire parmi les choses halal qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé pour donner de la force à son corps. فوائد الحديث الفائدة الأولى أمر الصائم بالسحور وهو للاستحباب عند جمهور العلماء. La première leçon à retenir, l'ordre donné aux jeûneurs de prendre le sahur. Et l'ordre ici, si la plus grande partie des hommes de science n'est pas une obligation formelle, mais il est du domaine du préférable à faire. الفائدة الثانية أن في السحور بركة دينية ودنيوية. La deuxième leçon, dans sahur, il y a la bénédiction dans la religion et dans le mondain. Procure beaucoup de bien dans la religion et dans le mondain. ثالثا أن السحور لا يختص بنوع من الطعام. Troisième leçon, sahur ne concerne pas une nourriture spécifique. رابعا كمال الشريعة الإسلامية في مراعاة العدل. La quatrième leçon, cette législation est complète et elle est équitable. خامسا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقرن الحكم بالحكمة لينشرح به الصدر ويعرف به سمو الشريعة. La cinquième leçon, c'est que le message, la bonne manière dans l'enseignement du prophète alayhi salam, il est le statut